avons un podcast en direct du bar Les Passages. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue à la 78e balado-diffusion de Pas de problème. Ici Frédéric Barouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Ça va? Et Mathieu Bouillon. Salut! Ah, messieurs, quelle dynamique! Quelle dynamique? C'est oui. Ta question? C'est lancé comme ça. Là. Quelle dynamique oui. Wow. Avons-nous? C'est une question que tu poses? C'est pas une question, c'est un constat. Non, oui. Mais pour les quatre... Là, je parle aux gens qui nous écoutent sur leur baladeur. Oui! Oui, leur gros Walkman jaune. Oui. En fait, pour les quatre prochaines semaines, nous aurons enregistré... Auront, je ne sais pas si j'utilise le bon temps de verbe. Très bien, on est live. On est live. Ben oui, alors on va enregistrer en direct du bar Les Passages et on commence avec un premier problème. Mm-hmm. Un problème passage. Ben voyons donc. Mais juste avant de commencer, j'aimerais dire que... Christiane Charrette a officiellement arrêté de faire oui! son émission. La pute! La putréfaction de son émission, voilà. Wow! Franco Nouveau, sans préliminaire, il ira pas loin. Alors, hey! On est correct, je pense. Bing! Yeah, non, mais bing. Voilà, donc toujours notre but d'être le balado. Numéro un au monde, francophone. Francophone au monde, et ça s'en vient bien. Ouais. On élimine la compétition au lieu d'améliorer notre produit. Avoir la foule de près d'une centaine de personnes qui est là pour nous encourager. Ah. Et la voix ouais, qui est venue pour autre chose. Ils font beaucoup de bruit pour trois personnes. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent sur Twitcam. Non. Alors... Il fait beau, là. On va donner une chance oui. au monde. On a un problème, je pense. Oui! Le problème nous vient de David Pouliot, qui est ici avec nous! Yeah! Alors, je vais me permettre de... Ben, nous, on l'appelle Poupou. Poupou. C'est David Poupou. Poupou et Poupou. Ah oui? Oh! Ses amis aussi. Ben, aimerais-tu dire au micro ton problème, David? Ça serait cool, absolument, pense. Absolument. Ben ouais, déplace. Oui. Oui, alors, ça va pas on t'écoute. Viens dans le micro d'Antoine, il pue le sexe. Sa voix sexy. Moi, mon problème, c'est que j'oublie tout le temps mon lunch dans le frigo. Ça, c'est clair. Ça, c'est plate. C'est plate et c'est clair comme problème. C'est donc, j'ai des petites questions quand même pour David. On n'a oui, pas l'occasion souvent de poser nos questions à nos poseux de problèmes. Mm-hmm. Alors, quel genre de lunch tu te fais d'habitude? Mm-hmm. N'importe lesquels. N'importe lesquels? Non, mais es-tu plus sandwich ou repas micro-ondes? Réchauffé? Pâte. Pâte, oui, je comprends ça. Mm-hmm. Mais quand tu réchauffes, c'est plus sec, c'est moins bon, ouais. Oui. Mais c'est déjà mieux que de les oublier sur la table de cuisine. Hein. Moi, c'est souvent ça que je fais, en fait. Oui, souvent. Ouais. Mais David, est-ce que t'es quelqu'un qui se ferait ce qu'on appelle des lunchs vedettes? Tu sais, des lunchs que t'as vraiment hâte de démontrer, tu fais « check bien mon lunch, il est malade » ou... Ouais, c'est ça? Non. Bon, ouais, c'est peut-être pour ça que t'as pas envie de les manger et que t'es oublié. C'est possible. Ah, il y a ça. Il y a ça. Mm-hmm. Vas-y, Antoine! Merci. Non, non, non, mais... Non, non, mais le lunch a débuté. Non, pas le lunch, je vais parler de la sandwich. Oui. Il y a cette rumeur... Le sandwich? Un sandwich. Ouais. Un sandwich. D'accord. Ça a été inventé par Monsieur Sandwich. Exactement. Certains pensent, et par erreur, que c'est Capitaine Sandwich, qui a d'ailleurs donné son nom aux îles Sandwich, oui. qui... Oui, oui, pas arrêté, arrêté. Vous savez qu'on pourrait manger des mouk-mouk? Oui, c'est vrai. Qui aimait beaucoup jouer aux cartes. OK. Qui aimait beaucoup jouer aux cartes c'est vrai. Et ne voulait pas s'arrêter pour manger. Dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement d'ustensiles. Okay. Donc, il ne voulait pas se salir les doigts. Et donc, c'est un de ses cuisiniers qui lui a ramené donc, entre deux tranches de pain... Deux valets, un peu de ballonné. Ben, encourager le pas de la viande et du fromage. Et puis, s'arrêter la sandwich. En fait, ça, c'est très joli. Le sandwich. Oh! Une sandwich. Mais ça serait plutôt le conte de sandwich. Un Anglais qui aurait adopté. Donc, la première sandwich, c'est fromage, viande froide et concombre. Oh, wow, il mangeait ça, hein, à son bureau. OK. Donc, Lord Sandwich. Comte de Sandwich. Okay. Excuse-moi. Le bureau de Comte Sandwich. Bonjour. Oui, il n'y avait pas le téléphone. Ah, okay. On imagine qu'on était avant mais Belle. Ça, là. C'est la première, le premier sandwich. Mais est-ce que ce sera aussi le dernier sandwich? Bon, des sandwichs célèbres. Il y a le sandwich qui a tué la grosse fille de Mamas and the Papas. Oui, oui. Il s'est fait manger un sandwich au jambon. C'est un peu triste, hein? Oui. Mm-hmm. Et voilà, c'est le sandwich ouais. connu. Merci Antoine pour l'historique. Ça me fait plaisir. Merci. Je posais la question parce que justement, une de mes solutions, moi, ce serait... Ni pas mes solutions. Oh. Ce serait de se faire un lunch tiède qui peut se laisser près de la porte. Hein? J'ai de la difficulté à regarder les gens dans les yeux quand je leur propose des solutions. Oui. Quand je leur dis de la merde, j'ai de la misère à regarder les gens dans Mais tu sais, quand tu parles de lunch tiède, veux-tu dire un thé glacé, Doritos? Oui, un thé glacé, Doritos. Quelque chose que tu n'as pas besoin de laisser dans le réfrigérateur. Exactement. Donc, si tu fais la veille, par exemple? Oui. Tu peux le laisser dans la porte. Ou avec un ice pack, il y a moyen de... Ice pack. Ice pack. Mettons une gazpacho ou tu sais, des choses qui se passent. Oui, mais c'est sûr que de le mettre dans la porte... C'est mieux froid, ça? Hein? C'est pas mieux froid? Ouais, mais en tout cas... Hey, soudainement, toutes les failles de notre balogou de division m'apparaissent énormes. Mais il n'y a pas de moment de malaise, les gens rient au moins. Oui, c'est un rire de malaise, j'ai l'impression. Tu fais, mais mon Dieu, ils s'en sortiront jamais. Et pour sortir du bar, il faut vraiment que je passe devant eux. Bon. Je vais attendre. De là, mon affirmation du début, quelle dynamique! Ah oui, je suis d'accord. Là, je comprends mieux. Ouais, voilà. On reçoit des trucs par Twitter, hein? Je comprends pas. Il est dans la salle et il nous écrit. Oh! Yeah! Bon, c'est des solutions déviées. Là, je contourne le problème. Là, vous allez me dire encore. Là. Ouais. Mais cette idée d'avoir ce qu'il faut pour faire un lunch sur son lieu de travail. Cuisine communautaire, quelque chose. Au début de la semaine, quelqu'un fait une épicerie pour des sandwichs, pour faire des pâtes. Et là, t'oublies pas ton lunch. Ton lunch est au bureau. Antoine, je vais faire du chemin sur cette solution. Vas-y donc. En fait, moi, j'avais pensé à faire un peu le même système que le covoiturage... Pour les lunchs. Ben ouais, tu co-lunch. Genre, les lundis, je m'occupe des lunchs de tout le monde. Fait que là, tu sais, tu fais un effort, tu l'oublies pas. Puis là, c'est ça. Ben là, tu oublies pas ton. Ben tu non. Tu t'as vidé ton frigo, il est plein à craquer. Ben après ça, le mardi, t'as plus besoin de penser à ton lunch parce que c'est quelqu'un d'autre qui va te faire un lunch que t'aimeras pas. D'ailleurs, je pense que tu avais inventé un slogan pour cette expérience. Tu voulais pas jouer quelque chose au piano? Non. Oui, le slogan, c'était « Hey, lâche-moi le lunch! » Oui, voilà. « Hey, c'est meilleur que Dieu merci. » C'est meilleur que Dieu merci. « Hey, Dieu merci, c'est correct. Ouais. » Bon. Merci. Oui, mais ça se fait à deux aussi, cette activité-là. Tu peux être duo, c'est simplement qui se fait des lunchs. Ouais, tu peux l'oublier, pareil. Faire un lunch, c'est pas un problème. C'est plus difficile de l'oublier. Mais quand t'as quelqu'un d'autre, tu te forces plus, non? Ouais. Quand tu fais un lunch pour quelqu'un d'autre. Non, oui, mais quand ça implique quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Quand t'es en retard à un endroit, puis c'est juste toi qui est en retard. Mais moi, je dis, là, tu fais ton lunch. Antoine, je suis en train de... Oui, excuse-moi, parce que je réfléchis en même temps. Vas-y, lâche-toi là. Ouais. Tu mets quelque chose que tu as besoin dans ton sac à lunch. Tes clés de char. Mm. Donc là, au lieu d'oublier ton lunch, tu oublies ton lunch et tes clés. Ben oui, mais non, mais quand tu pars, tu peux pas partir. Là. Tu vas pas te rendre au bureau et faire « Hey, j'ai oublié mon char. » Ouais. Tu y vas en char. Dans un bureau d'avocat, ton code civil. Tu sais, des choses que tu as vraiment que besoin. Que tu as besoin. Que tu mets dans ton lunch. Avez-vous des solutions, vous, les gars? Faites juste des commentaires. On fait juste des commentaires. Juste des commentaires. J'ai jamais remarqué. C'est 78. C'est ça, depuis le début. Autonome. Oui. Dans ton bureau. Je mets quelqu'un qui travaille dans un bureau. Mm-hmm. Un petit jardin. OK. Ah. T'as poussé des tomates, du blé. T'as un mouton. Une poule. Un petit moulin. Tu sais, écoute, il y a beaucoup de plantes dont les fleurs se mangent, par exemple. Les racines, les bulbes. Oui. Alors, t'as ça. Alors, les fois que t'oublies ton lunch, t'arrives, puis là, je creuse un petit peu. Je grignote. Qu'est-ce que tu fais là avec ta plante? Ben, je lunch. Mais y a, j'ai pas vu une émission de cuisine qui faisait... Il y avait lancé un défi de faire des repas avec des trucs de machines distributrices. Ah, oui, okay. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il doit exister des belles recettes là, à faire avec des Joe Louis puis un Coke. Puis de l'aspirine. Oui, de l'aspirine puis des Tampax. Le réfrigérateur intelligent pourrait nous donner une recette. Oui, le frigo ouais. Losange. Le frigo losange, si on essaie de le frigo intelligent pourrait te donner un rappel, peut-être en partant. N'oublie pas. Ah oui. N'oublie pas ton sel sur. Mais le frigo transparent. Page. Le frigo transparent, tu vois, et mon lunch est là. Mais en parlant de frigo, peut-être. Un petit frigo, là, il s'en vend à 100-125$ à côté de la porte. Hein? Tu laisses tes clés dans le frigo. Dans ton char. Il s'en vend dans le char. Au propane. Tu fais ton lunch tu dans ton auto. Tu laisses rouler ton char. Ton frigo lunch. Regarde, frigo l'idée, lunch. C'est pas de sauver l'environnement. Non, mais il s'en fait des petits lunch. Cubes aussi. Des petits cubes, là, frigo. Tu sais... Frigoto. Oui. Oui, frigoto. Okay. Moi, David, je pense qu'une des solutions pour tuer la blague de oui. Mathieu, oui. c'est de s'acheter de très bons contenants, des bons Tupperware que tu as le goût de montrer aux autres, puis tu as le goût de show it off, ouais. comme on dit. Donc, ou pimper tes Tupperware. Pimper tes Tupperware, oui. Ouais, faire du tuning de Tupperware. Ouais, ouais, plateau style, là, un peu un pareo. Ouais, ouais. Mais... Non, c'est ça. Moi, j'ai lu, puisqu'on vole toujours nos sources à quelque part, moi, j'ai oui. volé nos sources cette semaine à l'émission L'Épicerie, qui parlait des meilleurs Tupperware. Donc, semble-t-il que présentement, il faut acheter soit les Star Frites ou les Pyrex, du même okay. nom. Ben, j'ai acheté un Star Frites récemment. Bravo, Fred. C'est une sage décision. Il se replie. Mais ça, parce oui, que c'est hermétique sur les bords. Pyrex, c'est la même chose. Il y a même le modèle de luxe de Pyrex qui a un deuxième petit couvercle pour la vapeur. Donc, c'est possible de faire cuire les choses et que la vapeur s'évacue de ça directement du Tupperware. Mais il ne faut pas acheter les Anchor, supposément. A-N-C-H-O-R. Il ne faut pas les encourager. Non. Lâchez-vous là. Ouais. Je pense que t'as fait faire une fausse ça aussi. Lui non plus, faut pas l'encourager. Faut pas l'encourager. À la fille qui était pas enceinte. Oui. Non, mais les Anchors sont une copie de Pyrex. Donc, semble-t-il qu'il faut acheter les Pyrex, mettre un peu plus d'argent ou acheter les Star Frites. Il ouais. y a une solution sur Twitter qui oh. vient de Pierre-Luc, qui est devant nous. Wow! ça, qui dit de jeûner. Oui. Oh, et là, ça, c'est mais le dîner à l'eau, ouais. C'est vrai. Faire un gros souper. Gros souper. Gros déjeuner, gros souper, pas de dîner. Mais il y a la solution évidente de toujours s'acheter, mais ça coûte cher. Ouais. Toujours s'acheter à aller dîner. Au resto. Ouais. Aller au resto. Ou travailler. S'ouvrir un resto. Ben oui, si oh. tu travailles dans un resto, ou tu travailles dans une place qui s'appelle la boîte à lunch. Oui. Ouais. Tu n'oublieras jamais. C'est correct. Ou tu nommes plein de choses à toi, boîte à lunch. Fait que tes... Comme tes enfants. Au revoir, boîte à lunch. Oh, mon lunch. T'as oublié, ouais. Ah oui, bon. Ça marche, ça. Pour moi, ça marche. Ton prochain né, hein? Ouais. Ouais. Moi, j'ai une idée. Oui. Se faire des lunchs qui parlent. Tu sais, comme ça, ils vont te dire le matin, tu m'oublies. Mets-moi dans ton sac. Mets-moi dans ton sac. Je suis encore bon. Toi, tu parles... Tu veux-tu le little reminder? Non, moi, c'est vraiment les aliments qui parleraient. Tu sais, je peux pas croire qu'il n'y a pas une carotte en quelque part qui n'est pas dotée de la parole. Ou... Je peux pas croire. Je peux pas croire. Ah oui, elle est ici ce soir. La carotte qui parle? Oui, bonjour! Bon, OK. T'as fait une carotte qui parle. Je t'ai reconnu, mais non, dis-là. C'est pas moi. Oh. Non, mais soyons... Soyons sérieux. Pratique, là... un petit sticker à côté de la porte qui dit... Tout simple. Y est où ton lunch? Ou lâche-moi le lunch? Oh, t'sais. Oui. Mais ben quelque ouais, chose... ou juste un petit dessin de burger, post-it. Post-it, c'est un classique. Ouais. Le lundi, là, tu fais tes 5 lunchs. Ouais. Ou une grosse lasagne que tu vas manger le toute lunch. La semaine à ton bureau. Ça marche jamais, ça. Puis le vendredi, il est dégueulasse. Oui, mais au moins, tu l'oublies plus. Bonne sandwich mouillé le vendredi. Il y a 4 jours, tu peux pas l'oublier. Ben non, mais... Il y a peut-être par contre... Il y a après 5 jours. Le lundi, t'amènes tous tes lunchs au bureau. Ça se peut, par exemple. Là. C'est mettons, ça que je viens de dire. Oui, ouais, mais t'es pas obligé de les cuisiner. Ça peut être juste un gros pot de yogourt. OK. Toi, ta solution, c'est... Salut tout le monde, on est lundi. touchez pas à mon gros pot de yogourt. Pot de yogourt, c'est bon. C'est ma carotte qui parle. La carotte qui parle, c'est à moi. Mais Mathieu, Mathieu parle de yogourt au bœuf. Du poulet au yogourt. Du poulet au yogourt. Non, mais je pense que tu tiens quelque chose, Mathieu, en parlant de, tu sais, un bucket de lunch. Là. Oui. Tu sais, quelque chose de comme un gros pot de yogourt pour la semaine. Ça, c'est bon, là. Il y a, il y a des gens comme ça... Des sachets de l'armée, là. Toi, tu parlais de pâtes, hein? Un bon saut de pâtes, là, en début de semaine. Ça, c'est bon, t'amènes ça. Un saut de pâtes, un saut de sauce. Tu sais, tes mélanges sur place, là, il va être meilleur. Très bon. Tu fais chauffer juste ta sauce. Tu voles les lunchs. Tu mouilles tes pâtes. À tes collègues. Tout le monde, tu pars 15 minutes avant tout le monde. Ah, j'ai faim, j'en peux plus. Tu piges. Mais là, tu voles pas un lunch, là. Tu te composes ton affaire. Ben ouais. Une carotte qui parle, un bout de lasagne. Le principe du gardiennage au secondaire. Tu sais, quand tu gardes au secondaire, tu essaies de voler des affaires sans vider les pots exact. Pour pas que ça paraisse que tu as mangé. Tu remets de l'eau. Fait que tu snacks un peu de semoule, un peu de farine. Ça marche. Une boucle d'or, là. Quelqu'un a mangé une partie de ma pomme. Quelqu'un a mangé une partie de mon sandwich. Exact. Quelqu'un non, mais on est dans mon lit. Mais ce lit-là était juste à point. Oui, mais on peut aller aussi sur le territoire des reminders, là, ben pour ça. Ne oui. pas oublier. Tout là. Le monde a des téléphones intelligents maintenant. C'est possible oui. de mettre ça comme un rendez-vous, de se dire à 11h50, ça tu vas chercher ton lunch. Ça sonne. Et tout, là, ce qui en vaut la peine quand même. Là. Oui, on a des solutions qui nous viennent par papier. Oh! Alors, c'est malheureusement anonyme, donc... C'est Lady Marianne. Donc, c'est Lady Marianne qui nous l'a envoyé. Donc, deux solutions. Une tige devant les yeux avec un grand panneau qui dit « L'heure est ton menu du midi ». Ça, ça rappelle, une ouais. des meilleures solutions. Oui. Et se faire faire un T-shirt sur lequel on demande de lui rappeler d'apporter son lunch. Ça, c'est très bon, tu sais. D'ailleurs, toi, Antoine, tu portes présentement un T-shirt. Oui. Qui, j'ai de la misère à lire, mais ça ressemble, le slogan, hein, je pense. Ben oui, mais à l'envers, moi, je suis pas capable qu'est-ce qui est de écrit, lire, Jean-Philippe, sur son T-shirt? J'ai de la misère aussi. Mais j'ai réussi à lire de loin « Check moi lunch ». Exact. Ah, mais il y a un... Ah, par exemple, c'est « Check-moi le lounge ». C'est comme le décollage. Oui. Oui, c'est ça. Un avion en boîte à lunch. Hein. Oui. C'est pas pire. C'est pas pire. Ben non, je suis content. Il est drôle. C'est brillant. Ce T-shirt-là doit valoir au moins 2 $ Oui. Ben, il est déjà mieux que lui de la semaine passée. Ouais, qui c'était quoi, juste en train d'être en train. L'idée de prendre de l'alcool en même temps. Oui, je suis nerveux de faire ça. Bon. OK. Sur Twitter, on a Julien. Je ne m'aventurerai pas dans son nom de famille. Sean Bourne. Nutritionniste. Nutritionniste, ben, ben oui. Voyons donc. Puis, amène ton frigo avec toi, c'est sa seule solution. Mon Dieu. Amène ton frigo avec toi. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Georges Larac? Dis de même, non? Nutritionniste. Georges Larac, as-tu commenté notre affaire? Non, c'est parce que là, lui, il répond à Georges Larac. Ah, oh, OK. Puis Georges Larac, écoute. OK. Alors, voilà. On a d'autres solutions. Moi, j'en ai d'autres. Vas-y, on t'écoute. Ouais. J'ai parlé du frigo de près de la porte. J'ai oui, fait. Acheter son lunch. Bon, mais j'en ai pas. J'ai pas d'autre solution. Demander à un ami du bureau de cacher plein de papiers un peu partout dans notre bureau sans nous le dire, mentionnant le lunch. Fait que des fois, tu trouves tes affaires, puis là, tu vois un petit papier marqué lunch. Ah ouais. Oh, ouais, c'est vrai, lunch mais, à midi. Ton réveil matin, c'est quoi? C'est-tu un réveil bien basic ou t'as un iPod ou. Non, de bord. Ah. Mais peut-être ouais. investir pour que ta sonnerie soit lunch. Ah oui, ou une chanson qui lunch, parle de lunch. Oui! Comme. Voulez-vous dîner avec moi ce soir? Oui, il y aurait moyen aussi peut-être de faire appel à de grandes traditions religieuses. Une sandwich à marmelade. Très bon, très bon. Les moines bouddhistes, oui. quand ils se déplacent, n'amènent pas de nourriture. Ils comptent sur les gens qui vont leur donner l'aumône. Alors, si tu deviens bouddhiste, ce qui est une option quand même relativement intéressante. Ouais. Tu n'amènes plus de lunch et tu comptes sur la bienfaisance des gens sur ta route. Et en plus de plus oublier ton lunch, tu vas peut-être atteindre le nirvana. Wow! Travailler à la maison. Travailler à la maison? Très bon. Là, tu oublies ton lunch au bureau. Ah, ah merde. Maudit. Mon gros pot de yogourt que j'ai amené lundi avec ma carotte qui parle. Ma carotte qui parle. Tabarnak. Le bœuf du yogourt sera plus bon vendredi. Non, c'est shot. La carotte se tarne. Ça va nous parler tout seul. La carotte qui parle. Avoir un lunch qui sent très, très fort. Comme ça, tout le monde au bureau arrête pas de te parler de ton lunch. Oui. Ouvre le frigidaire, ça vient de te dire hey, « ton lunch pue le tabarnak, sors ça de là. » Oublie là, le don chez vous. C'est ça. Chez vous. Tu le manges à midi et quart. Qu'est-ce que ça pourrait être, les, ces aliments odorants-là? Faudrait demander un bon pops au camembert. Oui. Non, je sais pas le reste. Ouais. Ils font pas une variété d'ail au caca? Merci, Mathieu. T'avais Saint-Paul dans les poubelles. Non, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des solutions à proposer? Ben oui. Dans la salle? Ben oui. Monsieur? Une alarme dans ton... Une alarme? Dans le lunch. Dans le lunch. Qu'est-ce qui se passe? Alarme dans le lunch. Quand on fait notre lunch, la veille, on laisse le sel dedans. Notre cellulaire. Pas le sel. OK, moi, ouais, c'est ça, je me demandais. Notre mobile. C'est ça, ou la clé d'auto, on avait ri de moi. Oui. Mais, Non, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a des chars. Mais c'était l'idée, c'était l'image. C'est vrai. Parce que je te rappelle que t'as oublié ton cellulaire pas plus tard qu'hier. Hein? Oui, j'ai appelé, puis t'étais pas chez vous. Non, j'ai vu l'affichage. Ah, mais tu sais, il y a aussi... Tu sais, la popote roulante qui donne des lunchs aux gens du troisième âge, peut-être se faire passer pour un vieux. Oui, tu peux aller au Old Brewery aussi, te faire passer pour un itinérant. Ça dépend où tu travailles, oui, c'est ça. Dans quel coin travailles-tu? Les usines Chabanel. Dans le nord, sur Saint-Laurent. Dans le textile, est-ce que tu travailles dans le textile? Ou non, je sais qu'il y a beaucoup pas du tout. Mais là-bas, il y a une petite madame qui travaille dans le textile qui probablement pourrait t'aider avec un lunch. Ça, c'est vrai. Ou sinon, essaie de travailler comme caméraman sur un show de cuisine, Ricardo, quelque chose de même. Mais à la fin, il fait tout le temps, je vais en donner à mes techniciens. Sinon, qu'après les prises, tout ça. Là, tu t'amènes pas de lunch. Là, le technicien, il fait, pourquoi tu me donnes celui qui est fret? Pendant que tu viens d'en faire un? Ouais, c'est ça. Il dit ça? Ouais. Ça se peut? Non, j'imagine seulement. Ça va être fâché. Ça, on va pas le couper. On va pas le couper. On va le garder. Oui. On garde tout. Oui. Intégral. Alors, combien ça fait de temps? J'en ai aucune idée, mais on peut passer à nos solutions préférées. Oui. Et où les meilleurs? Les aussi. Ah oui, c'est vrai! Ah oui! Merci. Il y a des buffets aux danseuses. Je vois pas de quoi vous parlez. Sur l'heure du midi. Beaucoup de trompettes. Oui. Ben voyons donc. Ma mère écoute le podcast. Elle sait même pas c'est quoi une danseuse. Oh. Les corottes ne font pas juste parler dans ce buffet. Là. Oh! Ben, mon Dieu. Il y a du monde qui nous regarde. Beef yogurt. Mais peut-être que le midi, avoir un plan B, genre, mais tu sais, faut vraiment être willing, mais tu sais, aller à une place puis se prendre des sachets de ketchup puis juste manger ça. Ainsi qu'un vinaigre. Oui, pour boire. Pour boire. Accompagner ton sachet de ketchup. C'est triste à dire, anecdote personnelle, ma grand-mère fait ça. Snacker des sachets de moutarde au restaurant. On c'est la mon Dieu. Bref, elle ne l'écoute pas, je pense, le podcast, de cette manière. Bon, c'est réglé. Moi, ma solution préférée, je vais tirer le petit frigo à côté de la porte. Le petit frigo? Oui. Mais moi, je pense que c'est... Si t'es un amateur de pâtes, parce que, sincèrement, moi, j'aime pas ça me faire des lunchs. Mais quand je me faisais des lunchs avec des pâtes, je trouvais tout le temps qu'ils étaient secs, quand t'es fait réchauffer. Ouais. Le bucket de sauce et le bucket de pâtes, tu mouilles un peu tes pâtes, fais chauffer ta sauce, mélange ça. Pas fait ça. C'est pas pire, ça. Puis t'en vends aux autres. Yes! Ouais! Après, je vais avec la solution d'Antoine, les moines, qui a été un peu la nourriture en arrivant à chaque endroit. Se fier aux autres pour manger. Tu sais, si t'as l'air sain, libre. Faire un peu comme les artistes font aux Gémeaux, puis aux galas artistes. Ma solution préférée, les nouvelles. Tu te fais un bon lunch, bien congelé, puro later. Oh! Le lendemain midi, t'es là, tu travailles. Excusez-moi, M. Vizina, quoi? Un colis. Ah, tabarnak. Ah, mon lunch! C'est parfait. Bien tiède. Caspacho. Yeah! Tiède. Très oui. Fort, très fort. C'est donc, avant de se quitter, on aimerait dire merci à nos deux techniciens de chez Sonar. Oui, merci beaucoup. Vincent et Pascal. Merci. On les a exportés de leur studio. Oui. Ouais. Ils font ça pas dans le studio. Ouais. Merci pas à, à notre serveuse des passages. Amélie, merci beaucoup. Merci aux gens des passages. Passage 951, Rachel Est à Montréal. Ouais. Et vous tous d'être là avec nous. Oui, bien, merci, public. Vraiment, c'est apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là... Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Juste les filles!